ciel du Grand Nord, encore plus glauque, plus diaphane que l'immense fleuve, pas beaucoup. Une teinte de pluie s'agarde, encore d'autres clochers, 20 longues perles d'or, pleure du ciel, et puis celui de la marine, féroce mastoc, fonce en plein firmament, à la perte de l'avenue d'Octobre. Sur une nuit de coronade. À l'opposé, cette mosquée monstre en torture, le saint s'entorsa de torsion, girole, cabochon, en pustule, toute couleur mille et mille. Drapeau fantastique, crevé sur son canal, immobile en bas, tout noir mijote. Encore 20 avenues, d'autres percées perspectives. Vers toujours plus d'espace, plus aérienne, la ville emportée s'étend vers les nuages, ne tient plus à la terre, elle s'élance de partout. Avenue fabuleuse, faite pour enlever 20 charges de front, 100 escadrons. De prodigieuses foulées qui ne voyaient qu'immensité.